Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Salut la gang, c'est Tommy, très content d'être avec vous. La gang, c'est la gang. C'est bien de mettre le très beau clip en background un petit peu, c'est quelque chose de très cher à notre cœur. On l'a tous déjà vu ce vidéoclip-là et vendredi soir passé, je l'ai présenté lors d'une soirée qu'on faisait au brouhaha, Poutine versus Poutine que ça s'appelait. Et bien entendu, c'était pour triquiter, c'est comme ça qu'il dit? C'est comme ça que ça se dit. C'était pour triquiter un petit peu la manière dont il y a encore des caves qui voient les homosexuels sur Terre. Cependant, j'ai eu une aventure qui m'a fait réfléchir et je voulais vraiment revenir là-dessus avant de commencer l'émission de 70% de ce soir. Je suis pas seul en studio, j'ai beaucoup d'amis, mais je voulais un petit peu faire sortir la bile avant d'inviter les collaborateurs à venir me rejoindre. On a en background, bien entendu, l'excellente chanson de DJ George qui va nous présenter un top 5 olympique un petit peu plus tard. On a également aussi Laurent Agla qui est un compositeur et YouTuber scatophile qui va venir nous parler de ses dernières et plus récentes créations. Je suis très heureux d'annoncer le retour officiel d'Emmanuel Côté-Séguin qui va nous amener une histoire tout fraîche pondue. En fait, c'est une nouvelle histoire, on recommence, c'est un renouveau ce soir à 70%. Et on a bien entendu Giz qui s'occupe de la console pendant que moi je suis en train de commencer à vociférer. Ça s'en vient. Donc, petit éditorial, quand j'avais 20 ans, je croyais que l'ergonomie était la science de l'avenir. L'ergonomie, c'est comment placer l'utilisation de l'espace. Et puis, depuis que j'ai 30 ans, je suis convaincu que c'est un petit peu la même chose, mais c'est plus version ergonomie des mots. Je suis plus convaincu que la sémantique est la science de l'avenir. Là, on a en background le clip qui portait litige, vous voyez. C'est le pouf qui a dit oui à 5 gars pour que ça arrive en même temps. Et les 5 gars ont bien entendu l'air de calice de cave et font rire tout le monde tout le temps. Vendredi soir passé, je l'ai fait jouer et quelqu'un est venu me voir, s'est levé, une dame est venue me voir en disant « Pourquoi tu passes ces clips-là? Tu sais que tu fais l'apologie des viols de groupe quand tu passes ces clips-là. » Des viols de pouf. Ouais, des viols de pouf. Bon, j'étais vraiment sous le choc, donc voyant que j'étais startled, elle en a profité pour ajouter « Ça snoble une table tournante et ils sont en train de mimer un viol collectif. » J'essayais de placer mes arguments au travers de ces émotions, il y avait beaucoup d'émotions. Mon principal argument étant, en plus de 100 fois que j'ai vu le clip, ça m'est jamais passé par la tête que ça pouvait être une simulation de viol collectif. J'ai jamais rien vu d'autre qu'une gang d'adolescents épais qui doivent regretter pas mal solide d'avoir eu l'air autant cave pour toute la planète YouTube dans un petit clip comme ça. Mais elle s'en foutait. Je venais de la blesser dans ses émotions et dans sa compréhension de la réalité à elle. Sa compréhension à elle était brisée. Donc, toutes les réalités étaient brisées. Elle en a profité pour excessivement rapidement me transformer en misogyne qui trouvait ça drôle, les viols collectifs. Ben, ça, je te reconnais bien là, Tommy. Oui, je suis un misogyne qui... Découpez-le, là, puis mettez ça dans... Tommy Godette est un misogyne qui adore les viols collectifs. Oui, oui. Et quand j'ai tenté de lui faire comprendre qu'on ne comprenait pas la séquence de la même manière, elle a usé d'un argument de proximité qui, à mon sens, est totalement invalide dans ce genre de contexte. C'est-à-dire, ben moi, je travaille là-dedans chaque jour, puis je rencontre des jeunes filles à qui ça leur est arrivé, puis c'est pas drôle. Donc, je reconnais tout de suite la scène quand j'en vois une ou qu'il n'y a pas de filles du tout. Exactement. J'étais seul devant une montée d'émotions et d'incompréhension, boqué au point que les émotions trouvaient plus simple de me transformer en méchant que de simplement écouter le fait que ma réalité était différente que celle que l'autre prenait pour acquis. Et puis, ben, c'est un des petits faits de la vie qui m'arrive de plus en plus souvent ces temps-ci, qui m'aide à comprendre le visage de l'ennemi. C'est pour ça que devant la tribune qu'on a ici, que tu sais, je vais finir toutes mes phrases puis personne va me couper, il y aura personne qui va être offusqué non plus, à moins calvaire, dans gang ici, là, vous autres chevaux tout bad, là. J'essaie donc encore une fois ce soir de mettre des mots sur ce phénomène. On est tous offuscables. tout le monde peut être offusqué. Cependant, c'est pas une bonne chose d'être offusqué. Et il n'y a aucun bon côté à être facilement offusquable. Être offusquable, ça veut dire de vouloir censurer les autres. Être offusquable, ça veut dire qu'il y a des situations dans lesquelles tu préfères prendre tout le monde pour des caves plutôt que digérer en silence en te disant « Ok, c'est peut-être une joke, peut-être j'ai pas compris des affaires, blablabla. » Parce que quand quelqu'un est offusqué, la première étape, c'est tout le temps la négation de l'intellect des autres autour. Quand t'es offusqué, tu te dis « Ben là, ça se dit pas ces choses-là. Gars, Chris, tu viens des entendre, fait que t'as survécu, ta gueule. » Et les autres aussi les ont entendus. Mais là, si ces propos-là, qui sont si méchants, vilains, viennent changer la façon de penser des autres, c'est là que ça devient dangereux. Mais ils sont pas caves, les autres. Ils sont capables de réfléchir au fait que... Voyons... Chris, t'es en train de prendre tout le monde pour des bananes quand tu te permets d'être offusqué et de présumer que t'es la seule personne qui a raison dans un contexte comme ça. De plus, selon moi, de parler des idées néfastes, c'est à mon sens la seule manière de transformer un problème en chose du passé. Dans l'exemple d'avant, admettons qu'un gars, admettons un Chris de cave, ait envie de participer à un viol collectif de type table tournante comme on voit en background derrière moi. S'il participe à une soirée du brouhaha un lundi ou ailleurs et il écoute le clip avec d'autres personnes qui, eux, vont trouver ces gars-là crissement cave de mimer une hostie niaiserie que s'il y avait eu une vraie fille, c'est sûr et certain, voyons là. Mais même dans le mime qu'ils font, même si on s'imagine qu'il y a une fille sur le pouf, je vois pas où la composante viol. Il semble pas y avoir de violence. J'ai offusqué quelqu'un, Étienne. Elle était offusquée pour mourir. Je suis devenu un misogyne, méchant. J'ai fait partie de toutes les castes infernales parce que moi, ça me fait rire, ce clip-là. Mais parce que des filles qui aiment le sexe, ça se peut pas. Exactement. C'est possible qu'elle soit consentante. Même si on savait tous que c'était un mime de viol, ce qui n'en est rien, personne, à mon sens, je l'ai projeté des centaines de fois. Ouais, j'avais pas pensé une à centaine de fois. Personne que je connais n'a jamais présumé que c'était un viol collectif. Qu'est-ce qu'il y en a des moments où ils zignent les murs? Les murs, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans le viol à ce moment-là? C'est d'autres femmes autour qui regardent? Ils appellent ça un mur tournant. ils vont violer. Moi, j'aurais essayé d'analyser ça plan par plan avec cette madame. Et voilà. Si mais ce que je veux dire, c'est que de projeter le film, même si on savait que c'était un mime de viol puis qu'il avait l'air con, si y a un gars qui avait l'intention de faire ça, une table tournante, puis qu'il voit que tout le monde rit, calisse, parce que c'est épais, ben peut-être qu'il va comme décliquer dans sa tête puis se dire « Ouais, c'est peut-être moins hot que de la manière que mon chum qui l'a fait, qui est un cave, m'en a parlé. » Ou sinon, même, ça changera pas son opinion, tout simplement. Là, j'ai de la misère à concevoir que quelqu'un voit le clip puis se dit hey. « Ouais, toi, t'es encore à l'autre étape, je comprends, Étienne. Je comprends très bien ce que en fin de semaine. Sérieusement, là, je crois que être offusquable, ça ne va jamais prévenir aucune guerre. Être offusquable, ça ne va jamais sauver personne de rien, selon moi. OK? Peut-être, je dis personne, t'sais, peut-être que tu peux m'asseoir de force sur une chaise, me bander les yeux, me donner un 12 avec des munitions infinies, puis me demander de tirer une mouche qui vole. Peut-être qu'à un moment donné, je vais la trouver. Eh bien, c'est l'analogie que je vois avec être offusqué. T'as pas à aller essayer de gérer les mœurs de la planète. Ça se fait pas, ça. Si t'es offusqué, t'avales ton petit goulot, tu vas vivre ça ailleurs, puis je sais pas, t'en parles avec les organisateurs dans un autre contexte que... Je m'égare. Puis là, ben, je m'en viens bon avec le pattern. Je commence à reconnaître l'ennemi, soit la bêtise exprimée et assumée sous le couvert de la, protection d'innocents qui n'existent pas et de vierges encore pures et de veuves encore mariées et d'orphelins avec des parents. Là, donc je me permets d'être proactif avec quelque chose qui est arrivé cette semaine parce que c'est important pour moi puis que j'ai vécu quelque chose vendredi soir passé que j'ai trouvé très déplacé. Ouais. On a un projet bénévole ici à douteux.tv, une communauté qui se tient et on a eu les moyens de se fournir les moyens, improfessionnels encore, perfectibles tout le temps. Mais bon, on a quand même quelque chose qui pognerait 70% facile si tu le comparais avec les shows d'Éric Salvay, genre à qui on donnerait un éventuel 100%. Ouais, ouais. Tu te calibres avec ça. Ouais, c'est ça. Moi, je me gage sur Éric Salvay. Avec DTV, on a créé un réel espace de production-diffusion communautaire réellement offert à tous. C'est financé par des agents privés qui croient en l'indispensabilité du premier amendement, en le droit à la parole et en le fait que entre adultes, on peut tout se dire. Tout. Si t'es capable de poser une question, je vais être capable d'avoir une réponse. Si t'es capable de me poser la question que ça me tente pas de te répondre, je vais être capable de te dire « Oh non, ça me tente pas de te répondre. » C'est ça, être entre adultes. Ouais, mais hein. Et quand je dis que tout peut se dire, je dis pas que toutes les opinions sont défendables. C'est pas pareil. Mais on peut tenter de changer l'opinion. On ne peut pas tenter de changer l'opinion de quelqu'un si on la laisse pas s'exprimer comme il faut, sans qu'elle soit comme jugée avant d'avoir parlé, sans que... Tu peux pas convaincre un misogyne d'arrêter d'être misogyne. Tu te dis « Chris de misogyne, t'es pas correct! » Faut que tu te dises « Pourquoi t'es misogyne? Explique-moi. » Puis là, après, si t'es offusqué parce qu'il t'explique pourquoi qu'il est misogyne, c'est pas la meilleure manière de le faire changer d'idée. Il y a pas beaucoup de manières, en fait. Ben, il doit en avoir, mais ça va être d'écouter. Chris, la haine, il faut que ça sorte. Là. La haine, il faut que ça s'exprime. Là. Si t'as de la haine pour rien... En tout cas... J'ai tellement rien à... Je trouve ça tellement simple, ce concept-là, que faut que tu laisses les gens s'exprimer pour pouvoir les juger, que j'ai l'impression que j'ai rien à rajouter à ça. Donc, douteux.tv veut faire partie de tous les potentiels et encourage les motivations. Sauf rares exceptions, style Patrick Lafrance. Salut, Pat. On croit en la variété des propos. Point. Ça me rappelle, en 1908, il y a un jeune Adolphe qui est venu me voir. Il voulait que je l'aide pour un travail artistique à Vienne. Il était à l'université en art. Et j'y ai donné mon 100%. J'ai aidé Adolphe à fond. En rétrospective, je me dis peut-être que j'aurais dû mieux l'écouter. Peut-être que j'aurais dû lui parler un peu plus. Mais j'ai pas péché de l'avoir aidé en 1908. C'est sûr et certain. Au contraire. Ouais. Mais bon, je crois en la variété. Puis je dirais pas je crois en la variété, mais... Non, c'est comme de dire je suis pas raciste, mais non, je crois en la variété. Je suis capable d'entendre n'importe quoi. Je vais être capable de mettre fin à une discussion quand que ça ne me tentera plus d'y parler, de parler de ça. Ça existe des fois, il faut que tu prennes du recul, tu reviens. Ça s'appelle pas être offusqué, ça s'appelle digérer une affaire. C'est deux mots. Ça aurait été un bon argument, ça, de dire à la fille, là, tu dis ça parce qu'ils sont noirs, c'est ça? T'es donc bien raciste. Là, tu viens amener un autre niveau. L'escalade du political correctness. Donc, jeudi soir passé, c'est de ça que je voulais parler. On a eu un show ici avec Gabrois et Stupid, deux polémistes, qui ont parlé trash d'un bout à l'autre de leur grosseur. Puis, je dis ça sous la réserve, j'ai rien contre les féministes. Vraiment rien. J'ai rien contre les féministes qui veulent l'égalité entre les sexes et les personnes. Mais j'ai un hostie de char et une grosse barge contre tous les ismes qui se prétendent capables de créer des victimes et des bourreaux. Ça, j'embarquerai jamais là-dedans. Et donc, dans le show, j'entends déjà les échos des féministes protecteurs, auto-sacrés protecteurs de la morale et autres agents du mal déguisés en agents du bien. À la hauteur des arguments qui suivent, je vous explique pourquoi qu'on s'en crisse du show de Gabrois et de Stupide. Un, il y avait Améliane dans le show. C'est une femme. Elle est forte de tenir tête. Elle est forte et capable de tenir tête à n'importe quel homme. De lui enlever ce pouvoir, c'est un péché sans nom qui revient beaucoup à la sémantique dont je parlais en haut. Elle était contente d'être là et à défaut de représenter toutes les femmes, c'était une femme qui donnait son opinion. Fait que, tu sais. Deux, c'est un spectacle de télévision. C'est un show. Il y a des lutteurs chaque semaine qui parlent d'arracher des têtes, de créer des cadavres avec ses ennemis, et ça, on laisse surfer. Mais là, dans le show-là, il disait, une preuve d'amour, c'est que ta fille, ta blonde, te laisse lui venir d'en face. Hein? Yes, je m'en crisse, je m'en faites-les si ça vous tente, mais ça peut exister un monde dans lequel c'est une preuve d'amour et ils ont le droit d'en parler sans être traités de tous les noms. C'est bon pour la peau, il paraît. Oui, c'est très bon pour la peau, effectivement. Ce qui a été dit dans le show de jeudi soir passé, que, tout comme ce qui est dit par pratiquement tout le monde, tout le temps, incluant moi, c'est quelque part entre 100% mon opinion et 0% mon opinion. Mon avantage par rapport aux bien-pensants, que si je commence à en avoir plein le cul de ce monde, c'est que j'accepte que mon opinion est limitée aux mots et aux faits que je connais. Mon opinion, c'est quelque chose qui va toujours évoluer et apprendre des expériences que je vis. Je ne suis pas barré à quelque chose. Et un spectacle comme ça qui m'amène d'autres informations, il n'y avait pas beaucoup de nouvelles informations dans celle-là, on s'entend, c'est quelque chose que je respecte du fait que des gens ont utilisé une plateforme pour exprimer des idées qui sont certes à contre-courant, jamais exactement ce que qui que ce soit pense, même pas ceux qui ont dit ça jeudi soir passé. Et voilà, c'est la fin de mon argument 3. On est des arguments, on est des êtres humains, Colis. On est la créature qui a inventé l'erreur. Et en inventant l'erreur, on a inventé le pardon. Fait que, pourquoi est-ce que la majorité des mouvements inclusifs oublient si rapidement que ça, sous le couvert d'une moralité indéfendable et immuable, le fait qu'on a le droit de dire ce qu'on veut, Chris? Au final, la fille est partie pas mal tôt à mon goût vendredi passé. J'aurais aimé lui poser des questions par rapport à son dernier commentaire, parce que juste avant de partir, elle est venue me voir parce qu'elle avait raison, était avec d'autres amis, et je venais d'être bien misogynisé. Elle vient me dire, elle dit, la prochaine fois que tu fais des projections, là, tu devrais faire attention à pas passer des choses qui pourraient offusquer quelqu'un. Oh boy, ça serait plus grand-chose. À ce moment-là, là, j'ai gelé à quelque part en dedans de moi et je voulais vraiment lui poser avec le cœur ouvert sur la main, comment tu fais pour avoir du fun dans la vie, toi? J'aurais aimé ça qu'elle m'explique, moi, tu sais, parce que fuck, tu sais, tout peut t'offusquer n'importe qui, là. C'est pas glorieux d'être offusqué, c'est le chemin le plus court vers ton petit confort stagnant. C'est sûr, t'as pas besoin d'être d'accord avec l'affaire que t'entends, mais t'as pas besoin de réagir comme s'il y avait un combat important qui se vivait. C'est pas un combat. Ça en est un à moins que toi et ta chale. Ça peut devenir. Puis là, je sais pas si tu sais qu'en disant ça, c'est pas correct. Mais là, t'es en train de comme créer un mur sur lequel l'autre peut s'appuyer, là. Fait que là, on va en reparler de ça, là. Mais si tu fais flip comme ça, ça s'en va. Tu sais, j'apprends à aucun adulte présentement que le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Fait que. Point, Chris. Oui. Oui. Sur ce, on a écouté longuement en background le viol collectif. Oui, je suis troublé à ce temps-là. Oui, c'est je ça. Je peux plus c'est le voir autrement maintenant. Un viol collectif, et je le trouve encore très drôle. Et ça m'aura valu de projeter ça, de me faire traiter des mots les plus méchants qu'une totale étrangère connaissait. Puis le pire, c'est qu'elle se considérait gentille et du bon côté de la morale, et qu'elle aura pris 10 secondes au total pour me traiter de ces mots-là, qui sont sûrement les pires insultes qu'elle peut imaginer, les pires êtres humains qu'elle pouvait rencontrer. Mais dans un contexte comme ça, c'était elle l'héroïne. Moi, j'étais le méchant. Ça, je comprendrai jamais ça en Chris. C'est tout le temps comme ça que les méchants fonctionnent, sinon ça marcherait pas. C'est exactement, les méchants ne peuvent pas comprendre pourquoi ils sont méchants. C'est un viol collectif. Ben, je pense que des hommes, ça se viole aussi, là, mais... Je suis bien misogyne. Donc, on commence 70%. Merci d'avoir écouté. Ça, j'en ai parlé beaucoup ces derniers temps parce que vraiment, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. La liberté d'expression, elle est menacée par les bien-pensants et ça me fait vraiment chier. Donc, mangez de la marde si ça vous adonne. Vous mangez-en pas si vous en voulez pas. On va écouter une chanson qui est merveilleuse, quelque chose qui va me remettre dans ma petite zone de confort. Et ensuite, on va pouvoir y aller à 70% avec notre invité Laurent Agla. Vous allez voir, c'est lui qui a fait le passe-pisse-paix de moi qui se fait beurrer. On va le mettre juste après, fait que peut-être que ça va... Tu sais, je sais pas... si jamais t'as pas aimé ce que j'ai dit avant, tu vas voir, je me fais beurrer. Fait que, en tout cas, je suis content, là, mais ça a fait beaucoup de nettoyage. C'est pas moi qui a fait, mais en tout cas, parle clip. Encore une autre nuit à me chercher quelque chose à faire. Ça me prend pour moi pour me rappeler qu'à cause de toi je me suis saoulé. La vraie musique quand je me suis levé, assis devant ma chaîne à café, en train de me réveiller le français. C'est là que j'ai vu que t'étais pressé. J'ai de la misère, mon calvaire. J'ai du ressentiment dans le sang, c'est comme la rage dans une cage. Oh, tiens-moi, je m'en vais voir le corps. J'ai besoin de toi pour me dire dans mes erreurs les plus pires. Je veux pas connaître tes rengaines. Je veux juste que tu me dises que tu m'aimes. Tu m'en dors et puis tu ris. J'suis pas ton exemple de confiance, mais j'ai pas le droit de prendre ma chance. Rendu au bout, si j'suis perdu, ça voudrait dire que tu m'aimes plus. J'ai de la misère, mon calvaire. J'ai du ressentiment dans le sang, c'est comme la rage dans une cage. Oh, tiens-moi, je m'en dévore quand j'ai besoin de toi pour me dire dans mes erreurs les plus pires. Je veux pas connaître tes rengaines. Je veux juste que tu me dises que tu m'aimes. J'ai du ressentiment dans le sang, c'est comme la rage dans une cage. Oh, tiens-moi, m'en dévore quand j'ai besoin de toi pour me dire dans mes erreurs les plus pires. Je veux pas connaître tes rengaines. Je veux juste que tu me dises que tu m'aimes. On a vu son nom en bas de l'écran ici, c'était Laurent Agla. Laurent qu'on est très content d'avoir en studio. Laurent qui est à l'aise aussi, j'ai entendu dire que t'aimais ça être devant la caméra. Toi. J'adore. Oublie pas de parler dans ton micro, on aime ça t'entendre. Laurent, cinéaste de YouTube par défaut ou par choix? Par défaut parce que la musique ça donne plus d'argent. Ah ouais? La musique c'est gratis maintenant. Ok, c'est genre Pirate Bay, puis je veux dire, pourquoi maintenant la musique ça donne plus d'argent? Je pense qu'il y a comme un genre de dumbing down of society, et puis que maintenant les gens ont tellement plus d'oreilles que n'importe quel beau-frère fait la job pour faire une Une bonne toune. Pour faire une bonne toune. Ça a-tu rapport avec, comme tu me disais l'autre fois, là, tu disais être DJ, c'est un emploi qui est révolu, ça va mourir dans quelques années. Hein? J'espère bien qu'on va rire autant les DJ dans 10 ans qu'on rit les pantalons pattes d'éléphant. OK. Puis, toi, mon cher DJ Georges. Je plug mon ordi. Oh. Moi, on... Non, c'est pas sa job anyway. Moi, je fais ça pour faire rire de moi. C'est vraiment le but. Tu sais, des fois, il y a du monde, quand je fais un DJ dans un party de douteux, tu sais, genre deux fois par année, puis que je fais juste faire jouer des tunes une après l'autre. Là, les gens viennent me voir, puis ils pensent que je suis comme un DJ, tu sais. Puis en fait, je fais juste peser play, puis j'enligne des tunes dans Media Monkey. Fait que, tu sais, ça te donne une idée. C'est la banque de recherche. T'es comme un archiveur plus parce que, ouais, ouais c'est ça. Quand même... Dildo joyeux. Voilà. Exactement, c'est ça que ça veut dire. Mais il est peut-être en train de prouver justement ce que tu disais, que ouais. ça va juste prendre une affaire qui fait jouer des tunes, et puis ben, c'est déjà le shuffle avec déjà, reconnaître les... Depuis les... qu'ils ont mis des fade-in, fade-out sur les iPod... Ok, tu veux dire genre là, il y a comme des stations qui peuvent reconnaître les tunes qui sont sur tous les cellulaires dans la place. Fait qu'en mettant cette tune là qui est sur le plus de cellulaires, ben, ça fait plus plaisir à tout le monde. Sérieux, c'est hot comme idée ça? Ouais. Mais c'est parce qu'il y a bien du monde qui download l'intégrale de Céline, il y a drague sur le cellulaire et puis il l'écoute jamais aussi. Là, ouais, alors, ben, tant pis pour eux autres à ce moment-là. Ça ferait peut-être que les gens feraient du ménage sur leur cellulaire. Peut-être que ça va encourager ça. Est-ce que tu es pro-mouvement nettoyage de cellulaire? On te pose tout le temps cette question-là, je le sais. Là, mais... Je répondrais par pénis. On se comprend, man. Hey, mais sinon, est-ce que tu joues à Magic? C'est une question très importante pour non, moi. Non, je trouve ça vraiment cave. Tu trouves ça cave jouer à Magic? Il pense pas. C'est offusquant aussi, les gens qui jouent à Magic, ils insultent à la magie. Je trouve ça très misogyne. Ah oui, franchement. Le fait de mettre des cartes de pouvoir et tout ça, c'est la domination mâle. Non, moi j'aime pas ça. J'encourage pas ça, personnellement. Toutes les cartes ne sont pas égales, genre. Ouais, c'est ça. Correct. Ça n'a pas de sens, déjà. Les castes, non. Ça ne peut que mal finir. C'est clair. Colin. Hey, mais ça me fait penser, nous, avec DJ George, on a tout le temps un top 5 à chaque semaine. Mm-hmm. Et cette semaine, il y a quand même un gros événement qui se passe et on prépare ma fête bientôt. Ça va être le mois de ma fête et ça s'en vient. Moi de la mienne et, aussi. Et voilà. Et au travers de ça, le mois de marche. Ben oui, le mois de marche. Le mois de la sensibilisation aux chutes dans les escaliers, c'est le mois de marche. Et vous êtes des marchers, tous. Non, finalement, lui, est février. Mais février. C'est tout est avant nous, donc. Oui. C'est sans bien, là. Ah, oh, bonne fête. J'ai des tonnes. Ouais, c'est ça. Mais bon, cette semaine, tu nous as préparé un top 5 sur les Olympiques. Ben, écoute, j'avais pas le choix. J'avais préparé au début un top 5 sur les géants, parce qu'on était supposé avoir géants, qui finalement s'est décommandé. Je me suis dit, je préfère un top 5 sur l'abandon. Puis là, en fin de compte, il y avait les Olympiques. Je me suis dit, ah, les Olympiques. C'est facile. J'ai déjà fait un spécial Olympique. Quand ça, v'là 4 ans, dans les autres Olympiques d'hiver. Fait que j'ai réécouté. C'est vrai, on était à la radio dans ce temps. Oui, c'est ça. Et puis là, j'ai repris les meilleurs bouts, puis j'ai trouvé des nouveautés. T'as-tu évidemment, encore depuis... la... Ouais, ma gueule. Ouais. Alors oui, écoute, les meilleurs bouts sont là, fait que oui, je sais que tu le sais. Donc voilà, je monte un petit peu mon volume. Et avant de commencer le top 5, je voudrais remercier Trailers and Trivias qui m'ont fait gagner ce magnifique... Notre show du dimanche, ça. Oui, avec Israël Trudel-Denis et Evelyne Lacoquine qui m'ont fait gagner ici un DVD de Hot Shots. Il y avait un concours, il fallait partager quelque chose. Je l'ai fait et j'ai gagné. Donc, vous voyez qu'il y a des émissions ici qui valent la peine d'être au moins suivies sur Facebook, si ce n'est écouté. Parce ouais, c'est pas mal gentil, le show. En c'est ça, ouais, c'est super cool, leur affaire. C'est Evelyne que je fais? Ben, pas mon Evelyne, là. L'Evelyne à Israël. À chacun sa Evelyne. Mm-hmm. Donc voilà, j'en profite pour faire un petit shout-out à Julien Bernatchez de Dessy et Derek qui me doit encore 4 prix de concours que j'ai gagné chez eux. Pas beaucoup de monde qui participe, apparemment, aussi. Bon, fait que mon top 5 de cette semaine, top 5 olympique. Donc j'ai ressorti, il le fallait, la trame sonore des Jeux olympiques d'été de 1976 à Montréal. Un magnifique disque qui comprend de la fanfare olympique très pompeuse et vraiment qui est digne d'occasion. C'est elle, moi, je pense, qui m'avait jeté à la tête. C'est magnifique. Cet album-là, c'est magique du début à la fin. Je commence en position numéro 5, ça sera pas long. Une toune qui dure 14 secondes, qui s'appelle « Sonnerie olympique ». Donc, ça ouvre bien les hostilités. « Alors voilà, c'est lancé. Donc ça, c'est une toune sur l'album. Fait que c'est déjà, moi quand il y a une toune qui dure comme 15 secondes sur un disque, j'écoute tout le temps ça en premier, c'est toujours bon. Puis là, ben après ça, le reste de l'album, ouais, bon, c'est un peu plus long à toffer, j'avoue. C'est beaucoup, c'est très comme cérémonial et puis romain. Moi ça, les romains, ça me fait penser à des orgies. Puis des orgies, ça me fait penser à des tables tournantes et sur laquelle collectifs. Le disque tourne. Puis là, écoute, je capote. Mais wow. Ça me fait penser à des noirs, des esclaves noirs. Ah non, écoute. Non, mais les tables tournantes, c'était super bon, ça. Ben écoute, ça fait, c'est un lien. Hein? Oh boy. On est segway est-ce all the way. Ça va vite, ça va vite. J'ai pris un Red Bull. C'est-tu bien pour genre. Ouais, c'est le viol collectif de Pouf. Okay. En même temps. J'osais pas penser ça. Ouais, ose, man. Pense-le. Pense-le. Street cred, tu penses? Oui, il a pensé. Il a pensé. Et voilà, c'est bon. C'est sûr. Fait que là, ben, c'est ça. Si on écoute une track en position numéro 4, on a le ballet de la cérémonie de clôture. Parce qu'il faut fêter ça, les clôtures. Parce que sans elle, qui sait où est-ce que commence le terrain du voisin. Donc, si on démarre ça ici. Tranquillement. Guiz, tu peux peut-être monter le son en studio, s'il te plaît. Puis, bon, ouais, ça commence lentement. Mais ce qui est beau de ça, c'est que cette toune-là, puis ça, c'est ce que j'avais fait il y a 4 ans, puis c'est trop merveilleux pour ne pas le refaire. Il y a 1 minute et quart de fausse fin avant la vraie fin. T'en rappelleras, Tommy? Oui, ça. Que, si... J'avais failli avaler ma langue, je pense. Ah, écoute, c'est magique. Fait que si, mettons, on met ça, on avance dans la toune. Fait que là, on se dit, bon, on va l'avancer, tu sais, un petit peu plus loin. On avance un peu. Là, à partir de là, ça sent la fin, tu sais. Là, on sait que, OK, c'est quasiment fini. Mais là, il nous niaise de même pendant 1 minute 15. Un peu de musique de gala aussi, que ça vient chercher au trophée. Le gars en marchette qui vient chercher son trophée. Ok, là, c'est assez. Là, c'est fini, là. Ça se peut pas que ça continue plus longtemps. Ok. J'ai un petit bout, allez, un petit bout. Ça s'en vient. Passer ce zoom-là, ça s'en vient. Voilà. Après ça. Après celle-là. Un doigt rouge. Et voilà. Là, c'est fini pour vrai. Donc, voilà. C'est magnifique 33 tours, disponible dans des marchés aux puces ici et là. On en voit souvent. Achetez-le, c'est de même pendant une demi-heure. Donc, voilà. C'est pompeux et interminable. C'est une demi-heure de tune quasiment finie, puis on continue juste un petit peu. C'est ça, un entraînement olympique, quand on y pense. Donc, maintenant, si on continue un peu dans le style olympique, en position numéro 3. À date, ça va, Laurent? Ça me va. C'est bon? Tu t'imbibes bien? Mais je voulais vous expliquer musicalement. Qu'est-ce qui arrivait dans l'autre toune? Mais ben vas-y! Ah ben, hey, go! Non. Y a-tu un mot italien comme pour expliquer? Hey. Non, passons à l'autre. Ok, attends, tu m'en reparleras tantôt, ben peut-être? C'est parce que, en fait, lui, c'est quoi? T'as un diplôme en musique, toi, là? T'inventes rien, là? Je suis un docteur. Docteur en musique. Docteur musique. Je soigne la musique. Mais là, tu veux pas partager tes connaissances. Faut qu'on paye. Non, mais il a tout le temps dit qu'il voulait jamais aller l'enseigner. 30 000 piastres, fuck you. Pas gratis. Ben là, c'est ça. Un docteur, ça coûte cher. Bon, ben, en tout cas, tant pis. Hein? En attendant, on demandera au pharmacien musical s'il peut juste nous donner quelque chose sans prescription. Moi, c'est mon truc, personnellement. Fait que René Simard, en position numéro 3, a fait une toune qui s'appelle « Bienvenue à Montréal » en 1976, où il souhaitait la bienvenue à tous les pays qui venaient. Puis ça, c'est tellement beau. Oh, il est allé multivoix, genre? Non, monovoix, mais une voix aiguë, là. Mais je veux dire, en tout cas, il aurait pu souhaiter la bienvenue en allemand, en hébreu, toute la gang. Non, mais... On écoute. Ça s'en vient éventuellement. Donc, si on part ça, c'est inspiré aussi de tout ça qu'on vient d'entendre. Ça commence pareil comme les tunes de l'autre disque d'avant. C'est important. Bienvenue à Montréal. été incroyable. Il faudrait le faire, en fait. Il faut auto-tuner toutes ces chansons. Ville choisie des dieux, Montréal, mesdames, messieurs. Est-ce que Sochi peut en dire autant? Je ne crois pas. C'est Renaissance qui le dit. Moi, je suis le messager, comme toujours. Le messager. Oh, oui, c'est moi qui choisis les messages que je passe. Non, non, non. Le messager. Bon, fait que c'est ça. Là, à partir de là, ça s'éternise également dans la même veine. Mais là, on peut retomber un peu plus terre à terre parce que là, encore une fois, ça essaie d'être grandiose, puis on en met plein la vue, plein la bouche et plein les oreilles. Paraît que c'est bon pour la peau, de toute façon. C'est une belle preuve d'amour. Mais sinon, on peut retomber dans le plus terre à terre. Roger Miron, qui a fait une toune qui s'appelle « Le stade olympique ». Ça, c'est terre à terre! Ouais. Écoute, puis là, il essaie pas, tu sais, il essaie pas d'en mettre plein la vue. Il va avec les vérités, puis il nous dit ce qu'il en est. Donc, position numéro 2, Roger Miron, et le stade olympique. Plus fort, Guise, encore, plus fort. Yeah. Si on a pris 11 ans pour y fixer la toile, nous aurons du bon temps. Oui. À l'abri de son voile, un peu à présent nos fervents pourront jouer à l'aise. On le remarque effectivement, docteur Musique. Ça, c'était docteur Musique, j'aime ça. Faudra que tu reviennes, docteur. Il y aurait une émission à faire avec ça, c'est vrai. Oui, certain. Quand j'étais jeune, j'ai dit du monde qui des vagues. Ceux qui ont joué, c'est je te comprends. C'est-tu ça qui t'a comme obligé à jumper le shark au niveau des études dans la musique? Il y a des traumatismes sur la surface. On rit, mais c'est peut-être pas drôle. On va voir si on peut avoir d'autres informations. On verra plus tard, on vous revient là-dessus. Mais le comptable de l'U2.org a un bac en flûte. Oui. Comme quoi, on peut s'en sortir quand même. Mais à cette heure, il est comptable de l'U2.org. Le comptable de l'U2.org a un bac en flûte? Juste bac en flûte. Bac en flûte. C'est vrai, c'est pas pire. J'achèterais ça, moi. Très bon, en tout cas, ton Roger Morin. Miron. Miron, Roger Miron, le stade olympique. Fait que voilà. Et là, on va terminer avec le point culminant. Ça nous prenait, comme Tommy l'avait si vertueusement calé, une toune avec des mots dans toutes les langues du monde. Parce que les Olympiques, c'est ça, hein? C'est tous les pays du monde qui se rassemblent. L'histoire, le temps de 2 semaines à essayer d'être meilleur que l'autre. La différence pour compétitionner. Voilà. Les affaires qui c'est ça, vont changer de vie. Des médailles, puis tout. Si tu me permets, avant d'aller vers ça, moi j'ai une belle histoire olympique à raconter. Je me rappelle aux derniers Olympiques d'été, il y avait eu une jeune Montréalaise, tu sais, minorité visible, était bonne, était fière, elle s'en allait faire les sauts, là, tu sais, le 110 mètres haies. Ouais. Et c'était une des favorites pour l'événement et elle s'est plantée à la première haie. Oh, on n'en entendra plus jamais parler. Ah, ça fait penser à une autre histoire, ça. Ouais. Quand j'étais à Paris, j'avais un coloc, un nouveau coloc, puis moi, je me levais tout le temps tôt le matin, puis c'était tard comme ça. Puis il venait juste d'acheter un petit chat. Attention de parler dans ton micro, toi. Ah, il venait d'acheter un petit chat comme ça, puis là, il y avait la litière à côté de la toilette et tout. Et puis là, chaque matin, moi, à la place de chier dans la toilette, je chiais dans la litière. Fait que là, lui. Il arrivait puis il me disait hey, viens voir ça, man! Check ça! Le chat! Il me montrait, check ça, un petit chat comme ça! Et puis des caca, tu sais, c'est fou! Là, est-ce que ce gars-là l'apprend aujourd'hui ou à un moment donné tu lui as allô, dit? Allô, ex-coloc! Salut, Christophe! C'est vraiment une histoire incroyable. Fait que, dans le fond, toi, ta dernière toune, c'est un clip qu'on va écouter? En fait, non. Ah, non, c'est vrai. Il y a une avant-dernière. La dernière toune, ça va être le clip. Là, la pochette rouge. OK. Pochette rouge, Guise. Il y avait un album. C'est plus le clip qui me fait paniquer. Ouais, moi, il y a le clip. Ben, Tommy va aller t'arranger ça pendant qu'on écoute l'avant-dernière. Voyez-vous, en 1976, il fallait faire une chanson d'adieu. Oh. Pour la fin des Olympiques. Fait que là, il y a des gens qui ont organisé un concours. Puis il y a Stéphane Venn qui était le juge de ce concours-là. Puis il y a un 33 tours qui est sorti avec 10 chansons finalistes du concours. Donc, celle qui a gagné, 9 autres qui ont perdu. Puis sérieux, s'il y en a eu plus que 10 qui ont été proposés. J'aimerais vraiment beaucoup entendre les autres. Parce ouais, que, oh boy, hein? Ouais, ouais. Puis finalement, ben, la chanson gagnante, sérieux, c'est la meilleure de l'album. Donc, bravo pour ce choix-là. On va y aller avec ça. C'est Estelle Sainte-Croix qui nous chante « Je t'aime ». Et puis, les paroles, c'est « Je t'aime » dans plein de langues du monde. Fait que vous la connaissez peut-être. Je passe ça à l'instant. Ah, oh, c'est ça le lien avec les Olympiques. Ah oui. Puis en même temps, c'est ça, t'étais dans ta tête. C'est joyeux. C'est là. Si tu veux, laisse-toi aller. C'est ça. Je t'aime. Yes, I love you. Il me dit m'humilité. Je t'aime. I stimme sous ce wine. Yo, amour. Pour toi. Ça, c'est la meilleure chanson de clôture qu'ils ont eue pour leur concours. La meilleure. Je même pas sa pochette. La pochette, c'est juste une pochette rouge, il n'y a aucune photo. J'aimerais savoir sa pochette. C'est une bonne chanson. Elle est sur YouTube en train de la chanter. C'est en ce moment, on dit. Donc, si tu fais un TikTok sur YouTube, tu peux la poigner. Voilà, Estelle Sainte-Croix, je t'aime, I love you, Ishlibidish, Ibidish, c'est tout à l'heure. Tekiero, etc. J'en connais pas d'autres. Donc, c'est tout ce qu'il y a. Oui, je pense que là, français, anglais, allemand, espagnol, je peux pas croire qu'il y a d'autres langues que ça. Mais, ça doit être toute la même chose. Donc, voilà, c'est ça. Puis là, ben, si on y va en position numéro 0, écoutez, j'ai passé, comme je disais tantôt, hors d'onde, j'ai passé une heure à écouter des covers de All the Things She Said parce que je voulais mettre ça de tatou parce qu'ils ont chanté à la cérémonie d'ouverture. Puis finalement, aucun était assez mauvais à mon goût. Fait que tu parles d'un heure le fun que je vais passer. Après ça, je suis allé voir qu'est-ce qu'ils ont fait vraiment d'autre. À part ça, moi, c'est la seule tune que je connaissais. Fait que là, j'ai regardé la tune que eux ils ont interprété finalement parce que c'est pas All the Things She Said qu'ils ont fait jouer. Ils ont fait Nasne Dogoyat. Dogoniat. Nasne Dogoniat. Puis là, j'ai trouvé. Après une autre demi-heure d'écoute intense, un cover sublime d'une madame qui chante ça. Et ça m'a fait penser à Michel Brûlé, féminin. Donc voilà, Michel E. Brûlé E. Position numéro 0. Je sais même pas c'est quoi le nom de la fille. Nasne Dogoniat, et elle se reconnaîtra à la maison, sans doute. Voilà. On écoute ça, ça va être suivi par un clip de notre invité. Puis on revient en studio pour parler des vraies affaires à 70%. Bonne chance. Нас не угонят! Donc, ici en studio, on est tous tannés. C'est... On est à la moitié de la chanson. Donc, si ça vous tente de l'écouter au complet, c'est Nasne Dogoniat. Ouais, ouais, c'est ça, vous la retrouverez. On écoute M'a tombé, le dégorgeur, c'est un clip de notre invité. C'est plus drôle quand on le dit à haute voix que quand on le lit. Hein. Oui, oui. Il y a des jeux de mots qui sont comme ça des fois, ça fait partie de la vie. Très content de t'avoir avec nous, Laurent. On a bien sûr l'excellent DJ George aussi. Tiens, je vais venir au centre. Oui. Oh, déplacement. Permutation. En fait, moi, je voulais te garder encore un petit peu avec nous parce qu'on n'a pas souvent un docteur de musique qui est heureux dans la vie. Oui, ça se peut. Il est taquin. En fait, moi, je sais que tu es allé à Cuba dernièrement et je voulais te parler de ça un petit peu. Tu es allé à Cuba, c'est quoi? C'est le gouvernement là-bas qui t'a payé pour que tu ailles les espionner pour amener des informations pour le gouvernement canadien. C'est... Qu'est-ce que tu es allé faire à Cuba? Ça fait quand même 4 ans. Je suis allé à Cuba pour faire un... J'étais engagé par un cirque suisse. Un cirque suisse. Mettons entre les deux, là. Un cirque suisse qui m'engageait avec plein de gens. En fait, il y a juste une chose à laquelle je pense de tout ce mois à Cuba. En passant, n'allez jamais à Cuba faire une production. Ah! Un conseil. Donc, tu vas avoir une anecdote négative à nous raconter. Ah, pas du tout. C'est très, très, très, très positif. J'étais, y a les buffets tout inclus. Ouais, c'est toujours bon, hein, ça. Et avec tous toutes les bactéries fécales que l'on connaît, ça, j'ai réussi à faire un pet de 10 secondes. Mais littéralement 10 secondes. Comptez-le ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes de pet. 10. Je mets tout bonne le monde année. Au défi. Et je l'ai fait. C'est pas un rot, là. Non, non, non, non. Tout. Un pet. Et puis pas juste... Il y avait plus... Est-ce qu'il y avait différentes notes? C'était pas mal le même... J'étais tellement dans une transe. J'ai pas fait de dictée. Ouais, toi, tu l'as vécu, genre. Mais t'avais-tu quelqu'un pour timer quelque part? Pourquoi tu sais que c'est 10 secondes? Ça a-tu été homologué? Ça peut que ça soit 8, puis dans mon excitation, ça a été 10. C'est ça, tu faisais pas un Laurent Aglot, deux Laurent Aglot, trois Laurent Aglot. En même temps. Tu l'as senti monter avant, quelque chose? Non. Tu savais-tu en commençant que c'est ça qui s'en venait? Ou bien toi, tu as cru que ça allait être un pet normal d'une seconde, puis t'es resté vraiment surpris? Non, je savais qu'il y avait quelque chose. OK, tu te doutais, là. Quelle belle anecdote. Il y avait quoi, des pics qui se préparaient. Mais tu te doutes pas de ces choses-là. Calais. Non. Il faut que t'es vives, t'es assumes, t'es partages. Et c'était sec, en passant. Ah ouais, OK. À mon grand désarroi. Ouais, j'avoue qu'à... À mon grand désarroi. Ouais, sinon, ça aurait été dangereux pour la propreté des sous-vêtements. Non, mais il y aurait même eu le contraire. Il dit désarroi. Sur le trône. Ok, pas de danger. Contexte. Okay. Je suis un peu gêné. Maintenant, je l'avoue à mes compatriotes françaises qui ont fait le cirque avec moi. ils avaient la chambre juste au-dessus, puis c'était des trucs qui menaient à une chambre. En tout cas. Et ils m'ont dit, au déjeuner, ils m'ont dit « Putain, on a entendu quelqu'un qui chiait, putain! » Mais tout ça sort aujourd'hui. C'est un moment magique qu'on vit avec toi. Hein? C'est le fun qu'ils sont allés chercher du talent québécois aussi pour les aider dans leur production de cirque suisse. C'est quand même quelque chose de particulier. Non, on était quand même 3-4 Québécois. Ouais. Puis il y avait aussi les Russes. Les Russes, ça m'a tout le temps fasciné, les Russes. Ben, les Russes, c'est pas, on le sait, hein, c'est. Il y avait comme 10 nationalités, puis tout le monde, c'est la fête à quelqu'un, tout le monde chantait « Bonne fête, bon, c'est à ton tour », tout le monde en majeur, tout le monde est « Hey, c'est à ton tour », tout le monde est majeur, puis les Russes « Ah, je n'ai qu'un mot, je n'ai qu'un mot, je n'ai qu'un mot. » Ils sont taquins, hein? Une année de moins avant de mourir. On va écouter un autre clip de notre invité parce qu'il en a amené beaucoup. C'est réellement quelqu'un qui produit beaucoup sur le net, sur YouTube. Motombé, Laurent Agla, Les Aviateurs, ça fait toute partie de la clique. Moi, j'aimerais ça qu'on... Passe-pispé, bien entendu. Tu travailles pour le Trouble Voir. Hein? On va en parler un petit peu juste après le clip qui s'en vient. Qu'est-ce que tu penses de ça, on va y aller pour « Dans quel trou, Doc Mayou? » Ouais, c'est un de mes préférés. De Laurent. Qui est un genre d'hybride avec Starbucks et les Impuissants qui sortira un album cette année. Et on va en avoir d'autres encore là-dessus après le dernier clip qu'on va écouter avec notre invité. Let's go, mon guys! Dans quel trou, c'est ça? Dans quel trou, Doc Mayou? C'est ça. Owl. Dans quel trou, Dr. Mayou? Dans quel trou, Dr. Mayou? Dans quel trou, Dr. Mayou? Dans quel trou, Dr. Mayou? Dans quel trou, Dr. Mayou? Dans quel trou, Dr. Mayou? Dans quel trou, Dr. Mayou? Dans quel trou, Dr. Mayou? Je le dis, je le répète, et je vais le répéter encore. Un gars qui aime se faire caresser le pénis, la partie la plus sombre de sa vie intérieure, c'est parce qu'il bande plus fort dans le but de littéralement fourrer quelqu'un. Oh! Alors, c'est un trou de cul, il a besoin d'être torché, hein? Ben oui, je comprends. Regardons ça. Ça sent mauvais, ça sent caca. Alors, ça met vraiment les testicules au neutre. Un vibrateur. Oh, catastrophe! C'est un homme raté. Ça m'excite d'entendre ça. Qu'est-ce que je te dis? Ça m'excite. J'aime ça. Ça graine, ça le regarde. Au niveau du lichage. J'ai une petite jouissance. C'est gênant. Parce qu'il aimait ça. Bon point d'éjaculer. C'est gênant. Oh. Ça m'écoeure. Les seins à l'occasion. Coup de cul, par exemple. Le pénis. Le pénis au Québec est un outil de manipulation. Quelle année, ça, Laurent? 2004. Ça, c'était avant que tu finisses ton doctorat en musique? J'avais même pas commencé. Oh, tabarnak! Fait que... en 2009. Carrière de YouTuber on the side. YouTube n'existait même pas à cette époque-là. Non, mais moi, tombé, c'était quand même quelque chose dans ma vie. J'ai perdu ma... La drive, la muse. J'ai perdu ma virginité anale pendant ma tombée. Et voilà. À chacun sa manière de guérir les bobos du passé. Sinon, présentement, là, t'es rendu à Trouble Voir, t'es rendu... Parle-moi de ça, comment ça marche? Trouble Voir, c'est parce que j'ai rencontré... parce que Simon Jodoin était intéressé par le projet Passe-Pispé, qui existe depuis quand même 4 ans, à la mort de mon ex-fiancé. J'ai décidé de faire un projet complètement... ça l'a complètement quétaine et kitsch quand on pense à la paix. Je sais que je vais être quétaine, là. Mais ben non, la arrête, là, laisse-nous décider. Bon, tout est mu, là. Écoute, la paix... Parce que la paix, c'est comme la santé. Quand tu l'as, tu t'en crises. C'est vrai. Fait que si tu marques paix ou peace ou paz sur Google, ce qui sort, c'est des soldats des tanks. Ouais. Fait que c'était un peu weird. Fait que là, je voulais faire quelque chose de rigolo avec la paix. Donc là, cette semaine, je l'ai fait avec mon chat. Je l'ai fait avec toutes sortes d'artistes. Sting, merci. Salut, Sting. Sting, respect. Vanessa Paradis. Vanessa. Ben, écoute, elle se rase pas, Vanessa, en passant. C'est, c'est une Française. Hein, c'est full natural. C'est bien. C'est bien, ça. Qui dans... Ah oui, la fille de Portishead. Que merci. Fait que là, dans le fond, toi, ton jeu, c'est de reprendre un petit peu la même toune. Les gars de Pantera, des malades. Barry Bay, il est répondant à sa crainte. Ces gens-là ont vraiment beaucoup été très généreux pour participer avec Passe-Pispé. On a une couple de tounes qu'ils ont fait entre eux. Il y a plein de gens qui l'ont fait dernièrement. Il y a Nino Ferry, ah ouais. Jerry Boulet, Elvis. Jerry, ouais, Elvis? Elvis, ouais. Colin, ils ont pris le même bateau, genre. Je l'ai pas... Ils sont sur une île déserte ensemble, probablement. Bon. Ben, fait que dans le fond, c'est un projet qui a pas de fin. Ça n'a pas de fin, je veux qu'il y en ait plein. Mais voilà, tu veux inonder l'Internet et quand on va faire une recherche, qu'on va écrire peace, qu'on va écrire paz, qu'on va écrire paix, ça ne sera pas des soldats, ça va être. Rien de moins que ça va être ma face qui se fait beurrer. Genre. L'hymne intergalactique de la paix. Ouais, c'est, je me rappelle, tu m'avais présenté ça dans ces mots-là. Et puis je pense qu'on a une vidéo pour ça, je pense, non? L'hymne intergalactique de la paix? Ah non, on a avec Sting et The Police. Non, mais je l'ai pas trouvé. Ah, tu l'as pas trouvé? Ben non, mais t'étais tellement volage, t'étais occupé à te faire des amis un petit peu partout, t'es tellement sociable. On va finir avec les aviateurs. Par contre, merci beaucoup, Laurent. C'était super de t'avoir avec nous. J'espère qu'on va te revoir plus souvent, en fait. Peut-être devenir un chroniqueur tranquille. Là. Docteur cool. S Music pour venir nous parler des vraies S affaires. Pour... Ouais, S, je sais pas ce que ça veut dire. Là. Ah, je pense S pour Scato. En musique. S pour Scato. Ça me va très bien. Donc, vous êtes à 70%. Merci beaucoup à Laurent. On va écouter un dernier clip qui vient de notre invité, c'est-à-dire Les Aviateurs. C'est sa nouvelle série. On écoute le numéro 1. Mais ça va jusqu'à 7-8 présentement. Ça vaut la peine d'aller les voir en rafale sur la YouTube, présenter ça à votre mère et tout. C'est Tommy qui vous invite à pas trop bouger. On va revenir avec Emmanuel qui commence sa nouvelle histoire. Et puis on a Giz aussi qui va nous parler de Flappy Bird, des grosses révélations récentes. Let's go, mon Giz. Ils vont tomber sur le cul des gars. Ça fait super rock en plus. Ah ouais, avec le refrain en anglais pis tout. C'est que je suis hop. Ça, un cul niaiseux, ça fait mille fois que je te l'explique. Mais voyons, je peux, oui. Je peux pas avoir une définition différente de la tienne. T'as pas le monopole de la définition du cul niaiseuse. La mienne peut être différente de la tienne. T'as pas le brevet du cul niaiseuse. De toute façon, ça a rapport avec comment que la fille, elle marche. Oh, anyway. Oui. Hey, les gars, je pense que je viens de faire notre tune number one. Oh, oui, la tune, tu me parlais? Check it out. Gwen, t'étais-tu en train de manger quelque chose là, pendant que tu chantais? Là? Hey, ça pourrait faire une pub d'école de langue. 2-4-4, 6-1-1, 6-1. Ok, non, je pense qu'il y a vraiment place à amélioration. Amélioration! Hey, salut, Tommy. Yo, Giz. Comment ça va? Je vis des moments popés. Ouais? Oh, ouais, overall, là, moi, je flotte, là. Je viens d'avoir un invité quand même assez solide. Et puis, Étienne est là, il est heureux. Non, ça. Oui, totalement, c'était le fun. Yeah, tu non, vois, je sens du bonheur, c'est relax. Ah oui, on a une bonne ambiance. On commence les Olympiques et on ne s'en crisse pas. Non, mais ça a l'air qu'il y a des sœurs qui ont gagné des médailles. Là. C'est extraordinaire. Oui, des sœurs Boulay, je pense. Il y a des sœurs qui gagnent les médailles. Oui, il y a médaille d'or et médaille d'argent. Le lancer de la sœur volante, je pense que c'était. Est-ce que je m'en... Écoute, je suis pas venu parler des Olympiques. Tabarnak, Tommy. Ouais, ouais, je t'écoute, excuse-moi. J'ai découvert quelque chose cette semaine, un phénomène. Le jeu Flappy Bird, un jeu quand même assez simple, que c'est assez basic. Tu fais juste peser sur un bouton pour faire voler un oiseau. Donc, tu as une fonction. Dans l'écran. Dans l'écran. N'importe où. Exact. Donc, à chaque fois que tu pinces dans ton écran, l'oiseau vole. C'est super. Ouais, ouais. C'est un jeu qui existait depuis environ un an, mais il y a un site web, si je me trompe pas, c'est Kotaku.com qui en a parlé, puis ça a fait un gros buzz. Tout le monde est devenu dépendant de ce jeu-là. Alors, au cas où vous étiez sur une autre planète, on va regarder un peu de quoi ça a l'air, la vidéo du jeu. Ça sera pas long, je te lance. On gère ça. Ça, ben oui, certain. Moi, en fait, je suis pas très, très à date sur ces affaires-là. Et c'est quelque chose que j'ai découvert, je veux dire, avec tout le monde. Là, pour que ça se rende jusqu'à moi, genre, c'est ouais, quelque c'est chose de... Mais moi, c'est par hasard. C'est mon coloc qui avait ça. Il m'a mis un téléphone dans les mains. Et même si j'étais chez Poutineville, la poutine est tombée deuxième et on essayait de se rendre le plus loin possible à ce jeu. Donc voilà, Get Ready. Donc on a un petit oiseau et on tape. À chaque fois qu'on tape dans l'écran, ça fait voler l'oiseau. Donc, on doit passer à travers les petits tuyaux qui ne sont pas. Il me semble que j'y reconnais, moi. Ah oui? Il me semble que je reconnais ces tuyaux-là. Ça vient de Sonic de Hedgehogs. Ouais, le 2. Ouais, le meilleur. Ouais. Un connaisseur. Ouais, c'est celui au Neo Geo. Là. Donc, le but, c'est de ne pas accrocher les tuyaux ou de ne pas tomber à terre. Mais c'est pas un oiseau fuck-out, ça? Ben, ça s'appelle Flappy Bird. Donc, la personne qui a dessiné ça a essayé de dessiner un oiseau et ou nous a trollé. Mais. Il aurait pas osé. C'est vrai que ça ressemble à un mix de poisson de Mario qui aurait eu un enfant avec un oiseau de Angry Birds. Moi, j'ai mis... Il y a pas de musique à ça, à ce jeu? Non, il y a pas de musique. Il y a un bruit de tchou-tchou-tchou. J'ai pas mis la musique parce que... Ça tape ses nerfs. C'est ça. Non, en fait, j'ai pas mis la musique parce que j'ai été obligé d'aller chercher une vidéo sur le web parce que je n'avais pas downloadé le jeu sur mon téléphone et il n'est plus disponible. Hein? Pourquoi? On va regarder ensemble. Scandale! Donc voilà, c'était pour la vidéo. On va revenir. Tommy, on a des choses à se parler. C'est important. Le créateur qui s'appelle Dong Nguyen a sorti cette semaine un tweet. En fait, il y a de cela 2 jours. Qui disait « Je suis désolé. Flappy Bird sera enlevé d'environ 22 heures. » Parce que, et je cite, « I cannot take this anymore. » On croit what? Qu'il parlait de la pub... Genre célébrité. La célébrité, le fame, devoir répondre à tous les médias parce qu'il y avait un succès. Quelques minutes plus tard, ça n'a rien à voir avec des problèmes légaux. Non. I just cannot take it anymore. Un peu plus tard, je ne vends pas Flappy Bird, ne me le demandez pas. Et un peu plus tard, je fais toujours des jeux. Donc, pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait retirer un jeu qui a un succès? Il me semble que quand tu crées des jeux, ton but, c'est de créer une dépendance et que tout le monde joue à ton jeu. Il veut créer des jeux qui pognent pas. Je rappelle que ce jeu-là lui rapporte en ce moment 50 000 $ par jour avec les pubs et c'est un jeu gratuit. Donc, n'importe qui parlait à un de ses amis, va chercher Flappy Bird, y allait et 50 000 $ gratuit par jour que cet homme-là vient de laisser tomber. C'est dur de hey boy, mais c'est, l'argent, il n'y a pas juste ça dans la vie, Giz. Mais en parlant d'argent, parce que l'argent, c'est... Il y a des poursuites Nintendo aussi. C'est ça, il n'y a pas de poursuites Nintendo. Non, non. Ils l'ont enlevé parce qu'il n'était plus capable de supporter la pression sociale. Il se faisait reconnaître sa rue, probablement. Pas moyen de faire l'épicerie tranquille. Ben oui. Le gars de Flappy Bird. Parce que quand tu crées des jeux... Avec une face de même, tu le reconnais. Le gars de Flappy Bird. C'est ça. Il paraît que c'est sa face, le poisson. Aïe, aïe. Puis je veux dire, c'est que c'est pas n'importe qui. C'est pas un kidam. C'est un gars qui fait des jeux dans la vie. Ben oui. Et donc, là, il en a scoré un. Il a fait le rêve. Il y a plein d'autres jeux qui sont presque pareils. C'est un homme qui crée des jeux très simples, qui sont très parfaits pour passer le temps dans le métro. Mais tu sais, Mais la planète web étant ce qu'elle est, puis moi c'est un peu le main de mon sujet, le pourquoi, on va passer à la prochaine photo. Étant donné que Flappy Bird n'est plus disponible, il y a des téléphones, des iPhones ou des téléphones intelligents qui se vendent sur eBay avec Flappy Bird installé, qui se vendent, on en a un en vente à 150 000 $ Bayit Nord, on en a un autre à 80 000 $ On a un autre à 59 999, une aubaine. J'aime ça, hein, qu'il ait mis le 59 999 ouais. pour qu'on pense mais qu'on ça, paye pas 60 000. Ça, c'est le bid de départ. Ouais, donc, on s'attend à ce que ça monte. Ça va monter un peu de 2-3 piastres. Mais là, c'est des bids qui ont pas de... De personnes qui ont voté. Qui ont bidé, ouais. Donc ça veut rien dire. Mais est-ce qu'on a encore un espoir en l'humanité? On peut passer à la prochaine photo. On passe à la prochaine photo. On en a un qui est en vente à 5000 $ et il y a un bid. Oh. Donc, il y a une personne qui est prête à payer 5000 $ pour 5000 pièces. Pour être le cave qui a acheté un iPhone 4S, même pas un 5, un iPhone 4S avec Flappy Bird installé dessus. Hey, moi, je l'ai, là, je pourrais le vendre aussi, le mien d'abord. 5000 pièces, man. Écoute, t'as-tu 5000 pièces, guys, à me donner si tu voulais jouer, là? T'avais l'air d'avoir trouvé ça le fun? Non. T'aurais magnifique HTC One X avec Flappy Bird. Ça, c'est... Écoute, moi, je te le fais à 2500 parce qu'on se connaît. Parce qu'on se connaît. Ben, écoute, on s'en parle hors d'onde. J'aime ça. On vient d'avoir quand même un gros update sur quelque chose de récent. Là. C'est, Ah oui? Ouais, en tout cas, ça se passe en ce moment. C'est pas fini. Hein. Moi, je pense qu'il va couler beaucoup d'encre. Puis je pense qu'il y a des humoristes de YouTube qui vont tourner une vidéo à soir là-dessus. Probablement. Ou peut-être... On ne les nommera pas. Merci beaucoup, Giz. Hey, merci, Tommy. Ça va nous amener à un petit clip, encore une nouveauté de Syriac. Je l'aime vraiment beaucoup, celui-là. On revient pour la dernière chronique de cette émission. C'est l'excellent Emmanuel côté Séguin qui nous amène les vraies valeurs. Hein? Les vraies valeurs. Zombie là, libre-moi, zombie là, libre-moi, des manifestations de zombies. de zombies. On n'a pas choisi de se retrouver devant un troupeau de zombies. Zombie. Yo Emmanuel! Yeah! Salut! Salut Emmanuel! Hello. Comment ça va Tommy? Ça va très bien. Yes sir! Très content de te revoir. Ben, pareillement. On pareillement. A eu peur un instant que... Je veux pas en parler. Bon, eh ben oui, je suis de retour. Écoute, pour vous jouer un nouveau mauvais tour, Gallagher, c'est terminé cette histoire-là. On passe à un autre projet. Et puis, on a quelqu'un dans le cadre. Bon, viens jouer! C'est notre on invité. On salue notre invité. C'est un docteur en musique. Oui, docteur S musique. Bien joué. Et puis, voilà. Alors, on repart sur un nouveau projet. Et puis, je repousse encore une fois les limites du possible. Il n'y aura pas de vote aujourd'hui. Oh, what? What? Mais c'est une chronique dont vous êtes là. Oui, oui, je sais. Mais c'est parce que là, ça va être un contexte un peu différent. Et puis, peut-être un petit peu plus d'exposition qui sera nécessaire. Et puis, devant l'ampleur de la tâche, j'arrivais pas à arrêter ça à un choix ce soir. OK. Et puis là, je vais... Plus c'est mettre, dans le fond. C'est ça, ça sera le prologue. Ouais, ouais. Ça se peut aussi, vous allez voir, là, vous allez comprendre pourquoi qu'au fil de cette aventure-là, des fois, il n'y a pas vraiment de vote, mais il y aurait des choix à faire. Ce serait le fun qu'il y ait des dés. Il n'y a pas de vote, mais il y a des choix. Oui, c'est pas pareil. Moi, je voudrais des dés. Je veux qu'il y ait des dés. D'accord. J'exige ceci. Tes commentaires sont dûment notés, Étienne. Excellent. Puis là, tu m'as demandé de mettre un train en background. Ouais, tu m'as demandé de quelque chose à brûle pour point comme ça. C'est le mieux que j'ai pu trouver. Là. C'est pas tout à fait le genre de train, mais c'est un train à ouais. vapeur. Oh oui. J'avais dit fin 19e siècle. Je trouve ça un petit peu... Ferme donc ta gueule. En tout cas, alors on va, ben, plutôt que de fermer ma gueule, je vais surenchérir ouais. en te proposant de lire ce que j'ai écrit. Ça te va? Ça, tout est impeccable. Alors, Gustave Poitronneau déposa sa tasse de thé sur la table qui tremblait doucement au rythme du train. Il lissait nonchalamment les pointes de sa moustache, son regard perdu dans le paysage qui défilait doucement. Il réfléchissait à cette lettre qu'il avait reçue la semaine dernière. Et le pli se lisait sensiblement comme suit. Monsieur Poitronneau, on me dit le plus grand bien de vous et certains de mes correspondants m'ont référé à vous pour le problème qui m'accapare. Mon nom est Eugène Delafouet et je suis un agnelet entouré de loups. La vie me quitte peu à peu et les carnassiers commencent déjà à flairer mes jarrets à savoir qui en obtiendrait les coupes les plus juteuses et savoureuses. La vie est ainsi faite que ces mêmes prédateurs sont ma chair et mon sang. Les amours de ma vie... Alors que le crépuscule approche, je ressens une certaine honte à vous demander ceci, mais je crains qu'un de mes proches tente de précipiter ma démise afin de profiter du considérable legs que je laisse derrière moi. Je veux laisser à mes deux fils et ma bien-aimée tout ce que j'ai pu accumuler lors de mon passage sur cette terre et ne veux que leur plus grand bien. Par contre, si l'un d'entre eux, comme je le soupçonne malheureusement, tente de mettre fin à mes jours, vous comprendrez qu'il me serait répugnant de lui rendre la vie facile. Alors qu'il aurait si cavalièrement précipité mon dernier repos. Oh! Peut-être ne verrez-vous en mes inquiétudes que les élucubrations paranoïaques d'un vieillard sur le déclin, et j'ose espérer que vos doutes sont fondés. Mais ne peut m'empêcher de m'inquiéter de la situation, bien à vous, Eugène Delafouet. Gustave ressassait les propos tenus par cet homme qu'il connaissait de nom seulement. Les correspondants dont il parlait et qui l'avaient référé étaient sans aucun doute d'anciens officiers sous lesquels il avait servi lors de son service militaire comme médecin. Ceux-ci devaient avoir gardé le contact avec le riche importateur qui avait fait sa fortune réputée lors des guerres coloniales en Indochine. Lisant cette lettre, il avait sauté sur l'occasion de résoudre un nouveau mystère. Il vivait pour ce genre de défi et s'était fait une petite réputation en société avec son puissant esprit analytique et sa force de caractère qui lui avait permis de résoudre maints problèmes par le passé. Le fait était que depuis son retour d'Algérie, la routine de médecin de famille lui pesait lourd et il se passionnait pour les faits divers dans les journaux et les histoires inexpliquées. Il s'était donc fait plus qu'un passe-temps de l'enquête et de la résolution de problèmes de ceux qui l'entouraient. Une sirène retentit, interrompant ses rêvasseries. Merci. Il ramassa ses effets et descendit sur le quai de la petite gare où l'y attendait une berline noire et un petit asiatique au costume soigné. Par ici, monsieur Poitrenaud, monsieur Delafoy est impatient de vous rencontrer, lui indiqua l'homme dans un français parfait en ramassant sa valise et en l'invitant à monter dans le chariot. À suivre. Oh yeah! Alors voilà, c'est ainsi que débute notre nouvelle chronique. C'est prometteur. Hein? Alors je vous invite à ne pas aller voter cette semaine. Pour tous les votes que vous ne ferez pas, je vous donne un petit timbre à café pour mettre sur les cartes de McDo. Pour aller, une fois que tu en as 7 ou 8, je pense que tu peux aller... est-ce qu'on peut ne pas voter plusieurs fois chacun? Une fois par domicile. OK, une fois par domicile, un pas de vote. C'est bon. Ben merci beaucoup, Emmanuel. Ben, on se revoit peut-être même la semaine prochaine, si ça va bien. Ben, c'est une excellente nouvelle. J'ai bien hâte de lire, d'entendre la suite. Oui, ça s'en vient. Ben, d'ailleurs, parlant de lire, pour ceux qui nous suivent ardemment, on est rendu avec un blog. C'est vrai, on n'en a même pas parlé. Et d'ailleurs, ben oui, mais pour parlant de lire, dernièrement, j'ai mis en ligne toutes les transcriptions des chroniques que j'avais faites, la première avec Gaetano. On a l'histoire de Gaetano. J'ai mis la cinquième partie aujourd'hui. Il va avoir l'épilogue probablement ce soir, puis à partir de la prochaine fois, je vais mettre, on va être à jour avec celle-ci. Allez, bon, juste des bonnes nouvelles. Bruno met des nouvelles également. Oui, il y a des nouvelles. Je mets des tunes tirées de mes top 5 après qu'ils soient faits. C'est à 70%.wordpress.com, donc 70POUR100.wordpress.com. Sinon, le lien est sur la page Facebook de 70%. C'est convergent. Super facile. Ouais, ben, merci tout le monde. C'est pas mal la fin du show. On a Emmanuel, on a Giz qui vient de quitter, on a l'excellent Laurent Aigla et bien sûr Étienne Forêt. Bien sûr. Et oui, qui s'occupe de la trame sonore de fond tout le temps. Je vous laisse pour un petit clip. C'est Jorel qui nous parle de sa bar mitzvah. Et juste ensuite, je vais parler du film qu'on a ce soir. C'est bien entendu, vous allez avoir la surprise tantôt. 27, 2013. Don't you know I'm gonna be a man that day? I'm half a Jew, I learned Hebrew, still half Asian, I'm proud of that too. It is my bar mitzvah. It is my bar mitzvah. I've paid the shul. I've purchased the wine. I've learned the Torah, the Elias, and the Half-Torah. I've memorized lines and bad mistakes. I might make a few. I consider it a challenge to read Hebrew without vowels. I hope I'm not screwed. It's my bar mitzvah, my friend. Young boy hoping for some money. He's just a young boy from a good family, studying hard for all his friends to see. Easy come, easy go, will you say shalom? Bar mitzvah, oh! Have to go. Have to go. Have to go. Have to go. Have to go. Have to go. Have to go. Have to go. My bar mitzvah style. It's my bar mitzvah. Oi, oi, oi, oi. My bar mitzvah style. It's my bar mitzvah. Oi, oi, oi, oi. No more chores. We party all night long. Maybe get a sugar rush. We party on. My bar mitzvah style. Mitzvah star. Hey, salut tout le monde, Tommy Godette encore une fois, qui est très content de venir prendre le micro et vous parler d'un excellent long métrage. En fait, je suis très content que c'est celui qui a gagné ce soir. On vous a proposé à tous nos fans de douteux.org soit de voter pour les fleurs ou le chocolat. C'est notre spécial Saint-Valentin. Et à la Saint-Valentin, on offre des fleurs ou du chocolat. Va pas sortir de ces sentiers battus-là parce que c'est un petit peu comme si tous tes collègues poilus autour, ils vont avoir l'obligation de faire la même chose. Ouais, ouais, c'est de même, ça marche. Donc, grossièrement, non. Le film qui a gagné, c'est Les Fleurs. Et Les Fleurs, c'était Des gars, des filles et un salaud de Simon Boisvert. Tu peux me mettre par-dessus l'image, mon cher PJ, parce que sinon, on va peut-être se faire achaler pour des droits de... Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Et voilà, on est au début du film. Des gars, des filles et un salaud de Simon Boisvert. Très content de vous montrer ça ce soir, un petit peu partout au Québec. Donc, ou sinon, en direct sur douteux.tv, hein, on va le partir juste après. Ouais. Grossièrement, c'est la suite du premier de ces films. Et c'est le deuxième de ces films. En débutant sur le cas de Simon Boisvert, je dirais que de terminer un long métrage, c'est onéreux à toutes sortes de niveaux et que j'admets la force qu'il a eue d'en terminer plusieurs. Et j'admire aussi la force de son équipe de l'avoir enduré pendant autant de longs métrages. Oui, on s'en doute rapidement, Simon Boisvert, le réalisateur, scripteur, acteur, monteur, acteur, cinéaste, acteur, je ne l'aime pas beaucoup. Le gars, je sais pas, je le connais pas vraiment, le gars. Ce que j'en sais, par contre, ne me plaît pas. Aux dernières nouvelles, il était tellement bon gérant d'estrade pour le hockey du junior majeur qu'il a été recruté par une équipe pour devenir dépisteur. Non, j'ai pas checké s'il montait à ce niveau-là. Et oui, je considère le hockey comme une affaire qui prend bien trop de place dans la vie des Canadiens. Pas que c'est plate, le hockey, c'est le plus beau sport au monde. Et plusieurs de mes héros en proviennent. Le problème avec le hockey, c'est que ça prend bien trop de temps, d'argent, puis du reste à mes concitoyens. J'ai tout le temps eu la... Comment dire, il y a une quantité limite de chiolage qu'un être humain peut faire dans une journée. Et au Canada, ce qu'on fait, c'est qu'on passe tout notre potentiel de chiolage sur la température et le hockey. Il en reste de moins en moins pour se lever puis aller voter, selon moi. Donc, TK, on parle de Simon Boisvert et on parle du film de ce soir. Je le fais à partir de maintenant. Simon Boisvert est montréalais et me semble passablement frustré de la vie. Ses personnages sont tous prompts à la rage et, à part un seul de ses acteurs, sont tous joués par des gens au sommet de leur carrière ce soir. Ça marche plus avec la... Imagine, tu sais. J'ai déjà joué une fille frustrée dans un film de Simon Boisvert. Tu mets ça sur ton CV. Au total, Simon Boisvert a fait 7 longs métrages avant d'aller relever de nouveaux défis. On écoute son deuxième film ce soir, le seul qui est la suite d'un autre, et définitivement celui dans lequel Boisvert jump le shark autant au niveau de l'acting qu'au niveau du scénario. Parce que des gars, des filles et un salaud, ça porte très bien son nom. C'est surtout l'histoire d'un gars qui décide de se mettre tout le monde à dos en usant des pires idées qu'un gars aurait pu imaginer. Ou des meilleures idées qu'un salaud aurait pu imaginer pour se mettre tout le monde à dos. C'est un film de dialogue. Hein? Il n'y a pas de cadre de caméra mangeur d'hommes. Il n'y a pas de masque en rubber. Il n'y a pas de fusillade en sautant sur le côté. Il n'y a pas de vengeance personnelle. Oui, ça, oui, il y en a. Il y a une vengeance personnelle. Quelques affaires qui vont se passer dans le film. C'est un petit peu en rafale. Simon Boisvert va coucher avec sa sœur pour ensuite utiliser ça pour la manipuler à faire chier un jeune au secondaire. Oui. Il va donner à boire à un mineur en le traitant le fif de pas aimer ça. As-tu quelqu'un à te dire en ce moment? Il va demander à Paul Amarani de filmer des femmes et de les lui envoyer pour qu'il les teste. Oui. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit Paul Amarani parce que cet acteur est dans le film. Je l'ai rencontré en 2009 à l'usine C et je lui ai demandé s'il se souvenait d'avoir joué dans ce film-là. Il a fait un grand sourire et il m'a dit qu'à l'époque, il faisait beaucoup de rôles pour avoir de l'argent rapide. Wink, wink. Il m'a dit aussi que c'était tellement weird comme plateau de tournage qu'il a essayé tout le long de sa présence de pousser les limites. Et vous allez voir sa performance, il a l'air d'un illuminé qui... d'un autiste. Il a l'air d'un autiste qui regarde des crayons. Et c'est sûrement sa performance la plus absurde à Paul Amarani. Ceux qui sont des fans du monsieur, vous n'allez pas le reconnaître ce soir. Et ça explique à quel point il n'était pas dirigé sur le plateau de tournage. Dans le fond, il joue le secrétaire de l'agence d'escorte du gars qui est... Non. En tout cas... c'est ça. Là, ici, il est en train de convaincre un jeune adolescent de boire de l'alcool. Comment on essaie? Ah, ça, le toi. Là, il dit, c'est fort, c'est pétillant. C'est ça qui est bon. Faut que t'aimes ça, la bière. Donc, bravo. Des gars, des filles et un salaud, c'est un produit montréalais, 100% montréalais. C'est pas très vieux. On parle de 2003. Cependant, on est face à une incommensurable bombe. On n'est pas loin du moins 8 certains et c'est sûrement le meilleur long-métrage de toute l'histoire de notre ami Simon Boisvert. Quelque chose d'unique qu'on a ici pour vous ce soir à douteux.tv. Assisez-vous, allez pisser une dernière fois parce que ça ne vous tentera pas de vous relever. Et j'ai peut-être un petit jeu à boire que je vous propose. À toutes les fois que vous entendez, en tout cas, ben là ou anyway, c'est là qu'on boit une gorgée. Là-dessus, c'est Tommy Godette qui vous remercie de nous suivre. On est rendu avec un blog, comme il disait tantôt. 70POUR100, c'est le nom de notre blog sur WordPress. Merci. Tout va bien de mon bord, c'est gentil de demander. On recommence le film au début, mon cher PJ. Des gars, des filles, un salaud, un film canadien de Montréal de 2003. Bam! Qu'est-ce que tu cherches, toi, chez une fille? Une fille qui est sincère et prête à s'engager.